Mokozie. Mokozi na na. Yalite yo kakolela na biso Yesu. Mokozie. Nazali kobenga papa oya sala. Kanina koki kobosa na ba oya ya Yesu. Nazali kobenga oya kufela kimane. Yonde sabo lima kumala biso kolo. Tosali lokola bato baza na bwato mbonge ye. Olali na kati ya masuwa na ngai. Oh Yesu telema telema telema osala telema osala telema telema o mbonge lingi komelanga ye. Likonzi oye simbanga yo. Yo likonzi na biso Yesu. Nako soki ezangi nzete ekoki kotele mateo. Nako soki etongami likolo na selo na tanga mopepo ekokende o. Merci Jésus. Bomoyo oye ezangi Yesu ezali bomoyo oye koleka e. Kotalela nani soki. Oya simba bomoyi ya ba Kristo e. Zamboya pesa kama pasa na kolete wa Elombe Elombe telema Elombe telema Uwechi Jesu Uwechi Jesu Tobenga yondani poyo kaisero Bitumba soki yeye nkolo. Oh, ma soeur, ma voix, ma cause, ma vie, ma coquima. Zamena bika moi. Et bongo ba oyo. Bate ki manka. Bate ki ngu banzam. Oke de wabi Yesu. Elome. Oya tele makana suke. Ozali ba moyi na bato. Elema o. Soki bosa na moto na makasio tamo na bitumba bako benza makasi ya biso moto na makasi nkosi na yuda oya sala kalokola ya zalite bien l'éternel de les armes oui tu es olobi na ngai plaide ensemble parle toi même et pour te justifier Seigneur je parle oui tu es ma vie. Tu es tout ce que je possède. Tu es tout ce que je possède. Tu es ma vie. Celui qui est mort à la croix pour moi. Nous avons que toi. Si tu me laisses aujourd'hui, à qui irai-je? C'est toi le véritable Dieu. Je veux m'amener. Je veux m'amener. Alléluia. Alléluia, fils de David, Telema, Likonzi, Telema, Rabuni, Rabuni, Yoko Sandaba, Chokolo Sandaba, Baba, Alléluia, Alléluia. Oui, tu es ma